9h-3. Le 7-9 sur France Inter. Et c'est donc l'heure de retrouver François Morel. Bonjour, invité par l'Alliance française de Toronto, je suis actuellement chez nos cousins du Canada et ça me fait très plaisir de vous annoncer que France Inter est ici très très populaire. Vous ne vous en doutiez pas forcément, eh bien si, France Inter est extrêmement célèbre aussi bien à Toronto qu'à Trois-Rivières, aussi bien à Québec qu'à Ottawa. Hier, dans une pharmacie où j'achetais un parapluie, la pharmacienne m'a dit « Alors, comme ça, il paraît que Monsieur X accroche ses patins ?» Partout, dans les restaurants, dans la rue, dans les magasins, on me parle beaucoup des animateurs, des chroniqueurs. On me pose des questions, on me fait part de remarques, on me donne son sentiment. On me rapporte que Sophia Aram serait... Crampante. Que François Rollin serait... Fun. Et que Nicole Ferroni serait... Pissante. L'auditeur canadien est extrêmement attentif à l'ambiance qui règne à France Inter. Un pharmacien chez qui j'achetais des pinces à vélo et une chambre à air m'a dit... Bernard Guetta, j'ai l'impression qu'il a déjà vu neiger. Par contre, l'autre jour, on aurait dit que Thomas Legrand, il faisait la baboune. Faisiez-vous la baboune, Thomas? Je n'en sais rien, je lui ai promis que je vous poserai la question. Parfois, et je dois vous le dire, on n'hésite pas à critiquer, parfois durement. Quelqu'un, ici à Radio-Canada, m'a parlé d'un régulier de la matinale, je ne vous dirai pas lequel, qui avait une face à fesser dedans. Alors je dois bien l'avouer, le français du Canada a ses particularismes. Il n'est pas toujours très facile à comprendre. Une pharmacienne originaire de la baie des Chaleurs, chez qui j'achetais de la lingerie fine et une pince Monseigneur, m'a interpellé de la manière suivante. Ben là, Monsieur Morel, on dirait que Patrick Cohen, il aime beaucoup la turlute. Comme immédiatement je rougissais en m'étonnant de la verdeur de sa réflexion, elle me traduisit aussitôt ses propos. On dirait que Patrick Cohen aime beaucoup la chanson populaire. Tandis que j'acquiesçais, son mari, qui venait de servir des moufles et une soupière en porcelaine à un habitant de Yorkville, m'aborda avec le naturel et la bonne humeur si caractéristiques des Canadiens. Mais dans le fond, à France Inter... On passe ses journées sur les faufounes. Comme je m'apprêtais à lui répondre avec la plus grande fureur, la plus totale indignation, il m'expliquait qu'il voulait simplement dire que les animateurs dans les studios restaient assis. C'est à ce moment-là que la jeune employée, apprentie pharmacienne, entra dans la conversation en même temps qu'elle servait un vieux monsieur qui commandait un escabeau, une paire de sandalettes, du mou pour son chat et un kilo de cerises. « Ah !» me dit-elle avec un fort accent. « Est ton patron, Monsieur Gallet, est-ce qu'il ne serait pas du genre à bouffer la moquette ?» Comme je lui avouais mon incompétence à traduire les finesses du parler québécois, elle me révélait qu'elle n'était pas du tout canadienne, mais originaire de la Seine-Saint-Denis, et que c'était le sens exact de sa question. « Est-ce que Monsieur Gallet ne serait pas du genre à bouffer la moquette ?» Bon, Patrick, j'imagine bien que maintenant il est temps pour chacun de lancer sa serviette. Vous avez de la broue dans la toupette, et vu que vous êtes de bonne heure sur le piton, il est bien temps à cette heure de pacter ses petits. Ben c'est ça, à la revoyure. François Morel depuis Radio-Canada, mais oui, accompagné de Guy Mignot, directeur du Théâtre français de Toronto. Vous voyez qu'à France Inter, on ne recule devant aucun effet mondial et aucune dépense.